Le respecté maréchal Kim Jong-un a offert un banquet pour les jeunes compatriotes coréens d'outre-mer qui avaient participé à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung. Le banquet a eu lieu le 2 septembre au Palais de la culture du peuple à Pyongyang. Y ont été invités la délégation de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, conduite par Kim Yong-ju, président du présidium du comité central de l'Union, la délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine, conduite par la présidente Kim Yong-yeon, ainsi que les membres des délégations et des groupes de visite de la Chongyun, Association générale des Coréens restant au Japon, en séjour dans la patrie socialiste. Y ont pris part Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée et les cadres intéressés.